Le perroquet. Bear. L'ours. Wolf. Le loup. Eagle. L'aigle. Now, a bit faster. To try. Essayez de. Parrot. Le perroquet. To start. Commencer. Educational. Pédagogique. Monkey. Le singe. To try. Essayez de. Cage. La cage. Wolf. Le loup. To start. Commencer. Educational. Pédagogique. Eagle. L'aigle. Wolf. Le loup. To look. Avoir l'air. Wolf. Le loup. Parrot. Le perroquet. To look. Avoir l'air. Bear. L'ours. Wolf. Le loup. Parrot. Le perroquet. Educational. Pédagogique. Eagle. L'aigle. To try. Essayez de. Now, use the words in context. Avoir l'air. He looks to be happy ever since he met this girl. Il a l'air d'être heureux depuis qu'il connaît cette fille. Essayez de. These animals have tried to get out of their cages. Ces animaux ont essayé de sortir de leur cage. L'ours. I signed that petition regarding the protection of bears. J'ai signé cette pétition concernant la protection des ours. Le perroquet. Some breeds of parrots are beautiful. Certaines races de perroquets sont magnifiques. L'ours. I signed that petition regarding the protection of bears. J'ai signé cette pétition concernant la protection des ours.